fromage, dessert, café. 35 euros l'adhérent, 40 euros le non-adhérent, hors boisson. Réservez vite au 02 38 43 50 09 ou par mail arc-en-ciel.iota@gmail.com. Attention, place limitée. Alors, réservez vite la soirée Fado du 30 novembre pour l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. Eh bien, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien en ce 30 novembre. Un peu frileux, mais ça va. Aujourd'hui, nous allons avoir beaucoup de visites, énormément de visites. Et on va commencer par, en fin de compte, déjà vous présenter une habituée déjà de la radio qui fait souvent son open, on va dire qui vient souvent, Sandra. Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour Mathis. Comment ça va? Eh ben, écoute, ça va ce matin avec ce froid. Mais... un peu froid, mais... mais ça va, ça va, ça va. Mais ça va. Et ensuite, en deuxième invité, du coup, une que vous avez vue il y a quelques temps quand même déjà. C'était, je crois, il y a un mois. Philippa. Philippa. Bonjour Philippa. Bonjour Mathis. Ça va? Ça va bien, et toi? Ça va, ça va. Alors, un peu frileux ce matin aussi comme Sandra. Oui, très. Philippa qui vient nous faire le retour de son élection Miss Mold Beauty, si je ne me trompe pas, Centre-Val de Mer. Donc on va en parler toute la matinée avec elle. Elle vient faire toute l'émission avec nous. Donc on la remercie pour sa présence, ainsi qu'à Sandra. On vous remercie. Et nous aurons une deuxième invitée qui va pas tarder à arriver, donc qui s'appelle Johanna. Johanna qui est une kinésiologue, qui va nous parler du métier de la kinésiologie. Donc ça peut intéresser tout le monde. Oui, oui, oui, c'est super. Sandra nous conseille, c'est la supportrice de la kinésiologie. Oui, oui. Moi, je ne connais pas du tout, alors je suis pressée de découvrir. Et ben voilà, on va tous découvrir. Moi, j'en ai déjà eu du coup l'expérience il n'y a pas très longtemps, il y a 15 jours. Sandra, ça fait... oui, moi, je suis une adepte. Du coup, c'est pour ça qu'elle a souhaité être présente. Donc, si vous avez des conseils aussi pour demander à Sandra, pour savoir comment choisir un bon kinésiologue... N'hésitez pas. Car nous devons avoir l'avis de la kinésiologie, de la kinésiologue, mais en espace de client... voir comment on peut choisir le bon, etc. Bah, Sandra pourra donner son point de vue. Et à ce que je sache, Philippa fait aussi des études dans la médecine, si je ne me trompe pas. Oui, je suis étudiante infirmière, donc je pense que c'est une pratique que je peux savoir, oui. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup du bien-être non médicamenteuse. Donc, en fait, donc, on fait plus par technique de respiration médicamenteuse. Ouais. Donc je pense que c'est un autre aspect qu'on peut découvrir. Donc aujourd'hui, ça va être une émission culturelle, on va dire. Bien-être, santé, bien-être. Et bien sûr, avec la couronne sur la tête. Non, pas pour moi. Hein, j'ai le casque, pas la couronne. On continue, on commence plutôt, pas continue, en musique avec Maria Joël. Pra passar.

ainda pensas noutro alguém, consigo ler o teu olhar no meu coração. Mais rebonjour. Alors, nous sommes de Rola. On a eu un petit moment d'attente parce qu'on a eu une petite surprise. Aujourd'hui, c'est pas qu'un jour spécial. C'est pas qu'un jour spécial. Et oui, on a quelqu'un en antenne avec vous. Bonjour Christine. Eh oui, bonjour à tous. Oui, bonjour. Je suis Christine, qui en général est de l'autre côté et l'animatrice de ce matin. Christine Portugal en coulissant, effectivement, ce matin. Pas d'émission, mais c'est Mathis, c'est mon double qui est là. Et oui, parce que jour spécial, parce qu'effectivement, c'est une soirée organisée par Radio Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, effectivement, il y a un petit peu de travail. Il faut mettre la main à la pâte. Et puis, comme on est passionné, eh ben oui, c'est le jour de mon anniversaire. Et le jour de mon anniversaire, je suis où? Eh ben, je suis au fourneau. Et c'est comme ça. Au fourneau, mais en plus bénévole. C'est qu'on est vraiment passionné pour être le jour de mon anniversaire ici, au lieu d'être chez moi, pour fêter l'anniversaire chez moi, chercher l'erreur. Mais du coup, il y a beaucoup d'auditeurs qui ont pensé à toi. Donc, on va fêter ton anniversaire ensemble. Donc, je laisse tous nos invités avec moi chanter joyeux anniversaire pour Christine, ainsi qu'une dédicace qui a été faite par Mamie, qui te fait un très bon joyeux anniversaire. Et Mamie, que j'aurai l'occasion de voir ce soir. Tout à fait. Avec grand plaisir. Donc, c'est le moment de chanter joyeux anniversaire à Christine. Bien sûr, on est une radio arc-en-ciel, donc c'est portugais, donc on peut chanter avec vous. Je sais que Philippa a les paroles avec elle, donc on peut chanter. Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje dia de festa, cantam as nossas almas para a Senhora Cristina e uma salva de palmas. Merci Mathis. Joyeux anniversaire encore. Merci bien. Muito obrigada. Merci bien. Et oui, effectivement, c'est mon anniversaire, le jour où j'aurais dû faire une belle émission, où j'aurais dû être ici chez vous. Mais c'est pas grave, je suis juste en dessous à préparer une belle nuit de fado. Le fado, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de musique de mélodie qui est reconnue mondialement et même à l'UNESCO. Car c'est une sorte de musique qui peut être triste comme très, très emballante. C'est ce qui représente le Portugal dans sa musique des années 60, qui a été reprise par la jeunesse, une musique qu'aujourd'hui reflète et retrace l'histoire du Portugal. Donc ce soir, c'est une soirée... on va dire de valeur, de grande valeur, parce qu'effectivement il y a la gastronomie, il y a effectivement la musique, on retrace aussi tout ce qui représente le Portugal sera présent ce soir, pas que pour les Portugais, parce que notre communauté de ce soir, les personnes qui ont réservé pour ce soir, on a moitié portugais, moitié français, et que c'est super, parce qu'on aime bien ce mélange de personnes, et ça sera une excellente soirée, je n'en doute pas. Et que on doit se préparer lorsque les artistes vont arriver en début d'après-midi, tout soit prêt. Donc on se met à l'œuvre. Merci pour ce petit message. Merci à vous et puis bonne émission à vous qui êtes aujourd'hui présents au micro de l'émission avec vous, avec Mathis. Une très très bonne un très bon moment. N'ayez pas peur, le micro ne fait pas mal. Et au contraire, ce que je vous dis, c'est que dès qu'on commence à parler à la radio, au départ, ça peut être super stressant parce qu'on se dit aïe aïe aïe. Mais ça devient une passion parce qu'on aime ça après. On aime s'exprimer et parfois on se retrouve avec des comment dire des j'aurais pas dit enfin on se découvre des talents parce qu'on se dit mais comment j'ai pu faire une chose pareille, comment j'ai pu parler à ce micro, et finalement ça vient tout seul et croyez-moi c'est super bien la radio. Je suis la preuve parce que le premier jour où je suis venu, je fais non, je parle pas. Très avec timide. Christine, il n'en voulait pas. J'en voulais pas du micro. Et aujourd'hui, limite, il restera là. Tout à fait. Et donc, oui. Donc, ce soir, il y aura la nuit de Fado avec des artistes fabuleux qui viennent. De Paris. De Paris. Oui, d'ailleurs, ils viennent tous de Paris. Je regarde l'affiche, mais oui, ils sont tous de Paris. Donc, nous avons Mathieu Dominguez. qui est une excellente voix, qui chante le fado au masculin. Une très belle voix. Lucia, pareil, une belle voix du fado. Et après, nous avons le trio Luso Latino qui nous fera danser jusqu'au bout de la nuit. Petit matin, c'est tout à fait ça. En tout cas, merci. Je vois qu'on m'attend déjà. On l'a vu. Je te fais un gros bisou. Gros bisou et encore joyeux anniversaire. Merci bien. Et puis, bonne émission à vous. Je m'éclipse. À bientôt. À bientôt. Je vois des choses dans tes yeux, je t'offre des roses et le ciel, sur de la prose ou ta peau, tu es la cause de mes maux. Tu es un fardo de amor, e a saudade, Senhor. Nenhum de nós quer perder, e ninguém quer ficar só. Doce mãe, te ouvi, ao far com a minha sombra, je sais comment la compris. Je le garde, impatient. Je te veux du lundi au dimanche. Je demeure comme un enfant. Emmène-moi, peu importe où on ira. Bali, Bali, Lisboa. Je suis bien que je suis avec toi. Emmène-moi, non importe où on te va. La honte à vie te leva. Eu quero estar ao pé de ti. De l'Amazon, moi la faute. C'est le carton jaune si je fraude. Que Dieu pardonne mes fautes. J'suis le cyclone, toi les brodes. J'ai la tête parfois à l'envers. Des erreurs, oui, j'ai dû en faire. Je suis l'élève ambitieux. D'être mystérieuse, t'es ma flamme, mon César, meu amor, minha paz. T'es le premier roi de mi vida. Dame-moi, mais un beijo. Je te veux du lundi au dimanche. Ça me lève en moi, oh, mi amor. Je suis bien que je suis avec toi. Emmène-moi, non importe où on débâche. La honte à vie dans tes levages. Je quero estar au pé de ti. Pra cima de todo mundo que tá presente aqui. Canta junto. Que saudade. Mais alto. Te abraçar. Te ouvir. Te ficar. Nos trancar. Me fazer amor até o sol, até o sai do chão e vai chover 5 dias sem parar. Ajuda aí, vem. Que saudade.

Donc Johanna qui est une kinésiologue et qui va nous expliquer qu'est-ce que la kinésiologie. Bonjour Johanna. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Un peu frileux comme Philippa et Sandra. La première. Alors, du coup aujourd'hui, on en a déjà parlé avant, mais du coup Philippa, qui a participé à Miss Smule Beauty, Centre Val-de-Loire, j'ai retenu, hein, le premier jour où elle est venue, je n'arrivais pas à dire le Smule Beauty. Non, surtout que l'anglais et Matisse, ça fait deux. Ouais, non, ça fait zéro, ça fait vraiment zéro pour avoir... C'est pas facile à dire, je le reconnais. Et à votre droite, du coup Sandra, ma belle maman, ma belle mère, ma belle doche, tout ce que vous voulez. Super, la ref. Enchantée. Donc voilà. Donc, dans cette première partie de mission, on va faire le retour donc, de Philippa sur son élection. Elle nous va montrer, nous dire ce qui s'est passé, des petites anecdotes, nous dire des petits conseils, etc. Et ensuite, on vous présentera et nous expliquera un peu plus qu'est-ce qu'est la kinésiologie avec nous. Avec plaisir. Et après, j'aurai quelques petites animations que Sandra connaît à force de venir. Des petits jeux que j'aime bien faire avec mes clients, j'ai la force de travailler, mais avec, comment on dit déjà? Mes invités. Mes invités, voilà, j'avais complètement oublié le nom. Donc des petits jeux musicaux, vu qu'on est radio portugaise, musicale, on aime bien donc présenter des petits jeux musicaux. Donc, on laisse quelques musiques de deux, et après on viendra faire le retour de Miss Mule Beauty, Centre Val-de-Loire. Ok. Agora vai para que sejas o primeiro, pois esta noite vai bater o coração. Venham comigo para o baile dos solteiros, eu quero dedicar a todos os namorados. Venham comigo para o baile dos solteiros, pois vão ser os primeiros a sair daqui casados. Venham comigo para o baile dos solteiros, eu quero dedicar a todos os namorados. Venham comigo para o baile dos solteiros, pois vão ser os primeiros a sair daqui casados. Hoje é que vai ser. Vamos embora. Venham comigo para o baile dos solteiros, eu quero dedicar a todos os namorados. Venham comigo para o baile dos solteiros, hoje vão ser os primeiros a sair daqui casados. Venham comigo para o baile dos solteiros, eu quero dedicar a todos os namorados. Venham comigo para o baile dos solteiros, pois vão ser os primeiros a sair daqui casados. Venham comigo para o baile dos solteiros, eu quero dedicar a todos os namorados. Venham comigo para o baile dos solteiros, pois vão ser os primeiros a sair daqui casados. Sempre que eu chorei, tu estivestes a meu lado como sempre. Laisser du coup la parole à Philippa pour nous expliquer un peu déjà ce qu'est l'univers Miss et un peu après ton parcours. Bah, bonjour à tous, du coup c'est moi Philippa. J'ai été élue première dauphine le 12 octobre, donc j'étais venue il y a une semaine avant à la radio pour représenter le comité, donc en quelques mots pour se souvenir du comité. Ça s'appelle Miss Small Beauty Centre-Val de Loire, donc c'est les filles qui mesurent moins d'1m70 pour leur permettre elles aussi de vivre un rêve. Et surtout, il n'y a pas de critères physiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, on peut être fine comme un peu plus ronde, on peut être maman, on peut être percée, on peut être ce qu'on est réellement. Donc en fait, ce comité représente les valeurs de la femme d'aujourd'hui et je suis très contente d'avoir pu représenter le 12 octobre ce qui pour moi est la femme et qu'est-ce que nous, on pourrait représenter à travers ça. Donc par le 12 octobre, j'ai pu avoir le titre de première dauphine et j'en suis très heureuse. Et on te félicite par rapport à ça. Félicitations. Merci. Si je devrais expliquer un peu le déroulement de comment s'est passée la journée. Alors déjà, en trois mots, c'est quoi tes mots par rapport à cette expérience ? En trois mots, je dirais que c'était incroyable. Là, c'est plusieurs mots, mais j'ai fait des rencontres incroyables aussi. Et surtout, c'est passé super vite. D'accord. Donc, vraiment, vous avez un esprit d'équipe tout ensemble. Oui, vraiment. On peut croire le contraire. On pense que dans le monde des Miss, c'est très compétitif. Mais je vous assure que, on n'est pas Miss France. Donc, en fait, on est vraiment dans un comité très, très convivial. Et donc, en fait, il n'y a pas de compétition entre nous. On a tous un but, c'est de s'amuser, se faire des rencontres, de vivre juste une expérience incroyable. Et avec ou sans Géchard, demain, on sera encore nous, on sera encore dans nos études, on sera encore dans notre travail. Donc, ça ne change pas énormément. Donc c'est pour ça, c'est juste pour kiffer. J'ai une petite question, moi, du coup. Est-ce qu'il y a un critère d'âge ? Oui, alors maintenant, c'est donc l'âge, c'est de 18 à 30 ans. Mince. Ah, tu peux plus participer, Sandra, non, c'est dommage. En tout cas, quelques années quand même. Hein. Oui. Donc oui, ça offre l'opportunité aux femmes de 18 à 30 ans de participer et offrir l'opportunité à des mamans de pouvoir y participer, parce que souvent on se dit vu que je suis maman je peux pas y participer. Si vous pouvez, et si c'est votre rêve, je vous incite à y aller. Après, il faudrait qu'il soit maman jusqu'à 35 ans, comme ça Sandra pourrait se glisser dans les concours. Non mais c'est bon. C'est trop bien. On m'a remis le couteau dans la plaie. C'est bon. Tu es disqualifié, l'office. Hein, c'est... Non, mais c'est. Je trouve que c'est la plus familiale, on va dire. J'allais dire familiale. C'est pas vraiment le bon terme, mais plus solidaire l'élection que tu as faite que les Miss, par exemple. Je ne sais pas si vous en entendez parler, mais Miss Univers, par exemple. Miss Univers, ils se déchirent. Ils se font des coups de traite pendant leurs élections. Mmh. Il y en a, ils traficotent les talons des autres, les robes et tout. Là, c'est Ninja Warrior pour Miss Univers. Oui, c'est vrai que dans certains comités, on peut... Enfin, comme Miss Univers, par exemple, des fois, elles retrouvent leur robe déchirée. Enfin, ça peut arriver. Donc, c'est pour ça que des fois, il faut détruire l'image de la compétition. Et comme je l'ai dit, on n'est pas à Miss France, on est juste là pour faire de nouvelles connaissances. Après, tu pourrais participer à Miss France, du coup, pour le coup. Non, je suis trop petite. Bon, ça aussi, c'est un autre critère. Du coup, on s'en aura dans. Ouais, on demande pas, t'as pas la taille, ni l'âge, disqualifié. Mais c'est dommage, en vrai. Bah, je comprends pas pourquoi les critères de taille, c'est aussi. Parce si vous avez la réponse. Bah oui, parce qu'en fait, avant, c'était le critère de la femme parfaite. C'était qu'elle était grande, mince, mais en fait, avec les nouvelles générations, enfin, dans l'évolution de la femme. Ah, aujourd'hui, quand tu regardes, toutes les femmes sont belles, peu importe le physique qu'elles ont. Enfin, Et je pense que ça y est, les mentalités changent. Oui. Enfin. Et c'est pour ça que maintenant, je pense qu'il existe ce genre de comité pour montrer aux femmes que c'est pas parce qu'on est petite, c'est pas parce qu'on est plus ronde qu'on n'a pas sa place. Et je pense que on a notre propre critère de beauté. Ça veut dire que on peut être belle aux yeux des gens et moins belle aux yeux d'autres. Donc, faut juste s'aimer soi-même et voilà. Exactement. Je suis totalement d'accord. C'est pas la même chose que les Miss Univers que j'ai dans la tête des filles. Mais c'est parce que ça fait beaucoup polémique, du coup, j'avais cette image de Miss Univers. Est-ce que tu as eu des épreuves à passer le 12 et même avant? Oui, avant, du coup, on a eu le test de culture générale. Pour le coup, je n'ai pas eu le prix de la culture générale. Hein. Bon, est-ce qu'il y avait des mathématiques ou pas? C'était des petits calculs, avec des tranches horaires. Je ne sais pas la note que j'ai eue et je pense que vaut mieux pas le savoir. Je posais la question des calculs parce que pour voir les critères de sélection pour Sandra aussi. Ouais, parce que ça passe pas non plus. Ça passe pas. Mais c'était beaucoup sur l'histoire de la région centre, c'était surtout ça. Et du coup, j'en profite, c'est Mélanie qui a eu le prix de la culture générale dans notre comité. Bon, félicitations. Et pendant l'élection, le 12, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, du coup, le 12, c'était sur le thème du carnaval. Donc, en fait, on a eu un passage à thème. Donc, en fait, on devait créer notre propre tenue. C'est-à-dire qu'en fait, on avait le choix sur le thème du carnaval. Donc, chacune, en fait, on avait des déguisements, mais juste incroyables, qui représentaient tout à fait le carnaval. On avait des danses incroyables. Et du coup, le public, ils étaient chauds. C'était très, très bien. C'est sûr. Mais du coup, vous avez créé donc votre propre robe. Donc, tu as créé ton costume, c'est ça? Non, du coup, moi, je suis pas très couturière, mais par contre, du coup, c'est moi qui ai choisi, par exemple, quelle jupe je vais mettre, quel corset je vais mettre, ou quel un pantalon que je vais mettre, ou est-ce que je vais mettre des plumes dans mes cheveux, ou en fait, c'est vraiment juste la création d'une tenue qui, pour toi, représente le carnaval. Évidemment, on avait quelques règles. Fallait pas que ça ressemble au carnaval de Rio avec des maillots de bain. Où du coup on exposait trop, fallait que ce soit du coup assez créative, mais être toujours dans l'image qu'on a du carnaval. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est un bon truc à faire, je trouve que c'est une belle idée. C'est super. Oui. Qu'ils l'ont fait eux-mêmes, c'est plutôt pas mal. Ça montre un peu l'originalité qu'on a. Oui, c'est sûr, la créativité. En fait. Oui, c'est ça. Choisir, assembler du bon truc, etc. Oui. Est-ce que vous avez des questions à poser? Et moi, je voulais savoir, du coup, quelle taille tu fais? Moi, je fais 1m63. Ok. Donc, assez petite. Et sinon, j'ai une petite question. Est-ce que tu peux participer à d'autres comités? Avec ce titre, on ne peut pas participer à d'autres comités parce qu'on représente du coup le comité Miss Small Beauty pendant un an et donc on a un engagement envers eux et en fait on représente vraiment comme là je représente le comité et Et du coup, pendant un an, je ne pourrais pas me représenter à d'autres concours. Mais par contre, on peut être invité à d'autres élections. Par exemple, le week-end prochain, je serai sur l'élection Miss et Mister... Miss et Mister. Et du coup, on a été invité. Donc en fait, on peut être invité à des élections et montrer du coup notre écharpe et voilà. D'accord. Mais du coup, l'univers de Miss, comment on peut arriver jusqu'à Miss France? Ça, c'est la question que je me pose. Je sais que c'est pas par rapport à Smear Beauty, mais est-ce que vous avez une parmi vous toutes? Parce que là, c'est un des invités 100% féminines que j'ai devant moi. si vous avez la réponse à cette question ou pas du tout. Si même les auditeurs ont la réponse, peut-être. Pour la Miss France, c'est dans le comité Miss France. Oui. Du coup, on doit passer, par exemple, Miss... Pour être Miss Centre-Val de Loire, celle qui est de cette année, comment on arrive à cette élection-là? Si on parle du comité Miss France, il y a déjà une élection départementale, donc Miss Loiret, après Miss Centre-Val de Loire et après Miss France. Mais par exemple, du coup, dans mon comité, en fait, il n'y a pas d'élection départementale, c'est directement l'élection régionale. Et si tu es élu Miss, tu vas en national. D'accord. Donc si j'aurais été élue Miss, ça aurait été le national. Oui, c'est ça. D'accord. Et celle qui a été élue Miss, j'en profite, c'est Emma. Voilà. D'accord. Bon, on félicite du coup Emma, on félicite toutes les participantes aussi. Et ça passe à la télé, l'émission nationale de votre comité? Non, ça passe pas à la télé. C'est du coup, vu que c'est moins connu, ça passe pas à la télé, mais il y a quand même beaucoup d'interviews radio pour quand même promouvoir le comité. Okay. Oui. J'ai une dernière question. Qu'as-tu ressenti quand ils ont annoncé que tu étais première dauphine? Alors, j'ai plusieurs anecdotes là-dessus. Déjà, de ce fait, il y a eu l'annonce du top 5 et j'ai été la dernière à être appelée. Donc, ça veut dire qu'il y a eu la première personne, la deuxième personne, la troisième personne, la quatrième personne. Et là, je me suis dit, bon, à une prochaine fois. J'ai vraiment perdu espoir parce que pour la dernière personne, en fait, ils laissent traîner un petit peu le truc. Ils disent, déjà, remercie toutes les candidates, vous avez été fabuleuses, nanana. Mais maintenant, il faut... Et du coup, pendant 5 minutes, je me suis dit, c'est pas grave, à l'année prochaine. Hein. Et puis, on a appelé bon du Béraud. Après, on a appelé mon prénom et je me suis dit... Incroyable. Incroyable. Parce que jusqu'à la dernière place, tu dis, c'est pas de chance. Oui, c'est ça. Et la dernière, donc, ça passe. J'ai un peu versé ma larme à ce moment-là. C'est normal. C'est normal. Trop de suspense. Hein. Oui. Trop de pression sur les strates. C'est ça. Donc, j'y croyais vraiment plus à la... Et du coup, quand tu as été jusqu'au top 1... En fait, j'ai lié beaucoup d'amitié déjà, j'ai été amie avec beaucoup de monde, mais du coup, on a quand même des coups de cœur d'aventure. Et j'ai été jusqu'à mes coups de cœur d'aventure, jusqu'au top 3. Et on s'est regardé, on s'est dit, mais je vais être appelée en deuxième dauphine, non, ça va être vous deux, franchement, je suis trop contente. Enfin, on se disait ça parce qu'il y a beaucoup de suspense pendant ce moment-là. Et en fait, du coup, avoir été en top 3 juste avec les coups de cœur de l'aventure, c'était incroyable. Et donc, se retrouver, main dans les mains, en duel avec Emma, on se regardait, on se disait, mais en fait, on est trop contentes de nous. Et moi, je disais, ce sera toi. Et franchement, tu seras une belle Miss. Et voilà. Oui, c'est sûr. Mais du coup, jusqu'à au dernier moment, elle a toujours été dans le suspense. Top 5, elle savait pas, ça avait qui. Le top 1, elle savait plus. Jusqu'au bout, t'as eu le suspense de la journée. Jusqu'au top 3, jusqu'au top 1, c'était... C'est incroyable. Mais donc, tu en retiens que du positif de cette expérience? Ah oui, je retiens que du positif. C'était vraiment une aventure superbe et c'est passé tellement vite pendant l'élection. Tous nos passages, on les a enchaînés et franchement, on n'a pas vu le temps passer. Et si je pouvais raconter une petite anecdote, ce serait pendant le discours, parce qu'on a un discours à passer à un moment donné pour parler de nous, quelle association on voudrait défendre, etc. Et en fait, au moment de se présenter, j'ai un peu perdu mes moyens. Donc j'ai dit bonjour à tous, je m'appelle Philippa, j'ai 18 ans et j'ai pas 18 ans. Et j'ai 19 ans. Et donc j'ai entendu ma copine qui était là pour me supporter rigoler du public et je me suis dit j'ai eu ce moment de latence où je me suis dit, faut pas que je rigole. Mais je me suis rendu compte à ce moment-là que, enfin, je n'avais pas 18 ans. Mais j'ai continué mon discours et j'en ai rigolé. Elle est restée bloquée à 18 ans. Oui. Donc voilà, j'ai perdu mes moyens, mais au moins, j'ai pas rigolé et voilà, j'ai bien rigolé après, en tout cas. C'est ça, faire preuve de du stress qu'on a sur le moment. Oui. Bon, en tout cas, on te remercie pour, du coup, le retour que tu nous as fait. Ça faisait quand même assez longtemps qu'on voulait qu'elle refasse le retour, etc. Mais on l'a fait au moins. Oui, on a eu le bon fait. Retour. Un mois après, mais on l'a fait. Voilà. Mais en tout cas, on te remercie de ta présence et du coup de nous avoir raconté du coup cette expérience de Miss. Bah, merci à toi. On te félicite encore pour ta première place. Merci. Donc on va continuer en musique. Après, on viendra faire un petit jeu d'animation que je vais vous faire faire. Et après, on viendra donc à Johanna pour nous présenter la kinésiologie. Si c'est bien comme je dis, est-ce que je bégaye un peu en le disant des fois ? Oui, c'est bien ça, la kinésiologie. Donc on continue en musique avec Mentirosa. Bye.

non quero meu amor. Sei que você já não gosta de mim. Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou, mas vou reconquistar o seu amor. Et on continue avec la musique d'été. Bon, on laisse Sandra de côté, du coup, non, je rigole. Bah après, ça sera la musique d'hiver, donc on peut passer si tu veux la musique d'hiver, hein, ça me dérange pas. Hein. Non, comme tu... Oui, je sais que tu préfères la musique d'hiver. Oui, que... mais bon. Donc, tu veux... on fait la musique d'été? Non, on peut faire la musique d'hiver si tu veux. Bon, on fait la musique d'hiver, mais on commence pas par Sandra, alors. Ouais, non, bah voilà, bah tout de suite, bah voilà. On laisse le meilleur pour la fin. Oui. Non, je rigole. On t'écoute pour ta musique, soit de l'été ou soit de l'hiver, celle que tu veux. Bon, allez, on fait la musique de l'été, alors. La relou. Elle mourra. Non, bah ma musique d'été, c'est une musique pour s'ambiancer. C'est Petit Génie. Oh bah celle-là, celle-là c'est... elle a fait le carton et le tour et le tour ouais, et le tour. Ouais. On écoute Petit Génie. La la la. Et on continue avec le dernier thème musical, donc la musique de l'hiver pour se réconforter pendant cette période de froid. On commence avec qui? Bah moi, Sandra, je voulais bien. Pas de souci. Bon, moi, je t'écoute. Bien. En plus, je voulais faire une dédicace pour ma fille. C'était son chanteur préféré quand elle était petite. Alors, c'est Kenji Girac. Alors, c'est pour l'hiver, hein, c'est un peu mélancolie. Si seulement j'avais su te le dire. Eh bien, on écoute Kenji Girac. On fait une petite dédicace. À Tina. À Tina. Sur la scène, j'ai laissé mon sourire. Mon sourire. Mon sourire. Capitaine abandonné, sans navire. Pardon si j'ai préféré me détruire, quitte à risquer d'abîmer mon empire. Sur la scène, j'ai laissé mon sourire. Si seulement j'avais su te le dire, sans avoir à l'écrire sur ma peau. Si seulement j'avais su t'en parler, sans la peur de gâcher la photo. Si seulement oh, oh, j'avais su te le dire vraiment. Si seulement oh, oh, j'avais su te le dire avant. De nos années j'ai gardé ton sourire. Ton sourire, ton sourire. C'est lui qui m'a réchauffé dans le pire. Dans le pire, dans le pire. Pardon si j'ai préféré retenir les sanglots que je portais sans le dire. De nos années j'ai gardé ton sourire. Ton sourire. Si seulement continue donc avec la musique de l'hiver de Philippa. Alors moi c'est encore une musique portugaise, j'adore la musique portugaise et là c'est une petite dédicace à ma mère parce qu'elle adore Kalima, mes parents aussi ils adorent et moi aussi je l'adore cette musique, c'est Te Amo de Kalima. On écoute Te Amo et on leur fait un gros bisou. Tu foste embora, eu entendo. Mas ficou tanto amor. Estou meio sem planos. Preciso ouvir, ouvir que me queres. Sentir que ainda me queres. Que não foi desta que acabou. Todos falam de ti, de como fui bobo. Te perdi por tão pouco. Tu sabes que eu te amo. Não espaço para mais ninguém. Eu não agi certo, não agi. mais preciso de ti. É preciso ouvir, preciso ouvir que me queres, sentir que ainda me queres. E não é desta que acabou. Todos falam de ti, de como foi um bobo que te perdi por tão pouco. Continue avec le dernier, la dernière musique de ce petit jeu que j'ai fait avec vous. Donc c'est la musique de Sandra. Sandra, quelle est ta musique ? Eh ben, on continue avec Kalema. Ah, on voit les fans. Hein. Ah, moi, oui, j'adore. Et c'est, alors je sais pas en portugais, mais c'est Alice, le titre. J'aime beaucoup. Et pour ça, donc j'ai eu un écho de la, par rapport à cette musique, qui est une dédicace. De la part de mon papa. Il remercie donc toute la radio Arc-en-Ciel. Merci à ce qu'ils proposent, donc leurs nouvelles choses, leurs nouvelles sorties qu'ils font. Donc ils nous encouragent donc à nous faire découvrir de nouveaux univers, donc l'univers mystique, l'univers de la kinésiologie, ainsi que tous nos événements qu'on fait. Donc on lui fait des gros bisous. Et il fait des bisous bien sûr à tous les invités. Il remercie d'avoir été là aujourd'hui, comme j'ai eu mon rappel aussi, donc de mamie. Donc on fait le père, le fils, la mère, on fait tout le monde. Il vous remercie d'avoir été là aujourd'hui cette matinée et que vous êtes fantastique. Oh, merci. Merci à toi et à toute ta famille. Merci. On le savait. Hein. On parle des invités, Sandra. On parle. Je suis inhabituée, ça compte plus. On écoute Alice de Kalema. Se diz guardarmi mais uma vez. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo, te aproveché con más ganas, me das lo que quiero. Aunque te vendas como ángel, oficial tienes los trucos. Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo. Es que me enamoró. Su carita de inocente ya me enamoró. Es una diabla bien vestida, ya me enamoró. Hace todo lo que pide, ya me enamoró. Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo, te aproveché con más ganas, me das lo que quiero. Aunque te vendas como ángel, oficial tienes los trucos. Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo. Ya yo no duermo solo. Donc on continue en musique avec Prince Royce, je sais pas comment on le dit, oui, je crois qu'on le dit un peu comme ça. Oui. Alors j'ai entendu écho que vous avez quelques questions à poser à Philippa, donc je vous laisse. On a eu des questions aussi sur mes réseaux, à savoir aussi. Ah bon donc oui, je fais tout, il y a tout qui est posé partout sur le bureau, là on voit pas avec les écrans mais... Les multitâches. Et voilà, ah, tu vois un homme sait faire plusieurs choses à la fois. Non mais c'est exceptionnel, hein. C'est pas... Moi je pense que c'est exceptionnel là. Si tu prends papa, bisous papa. Donc je crois que Sandra ou Johanna avaient une petite question pour Philippa. Et donc je vous laisse la poser. Ouais, moi j'avais une petite question sur le fait, est-ce que ça a changé ta vie d'être élue? Alors oui, ça a beaucoup changé parce que en fait, si vous voulez, il y a peut-être un ou deux ans, je me serais jamais vue parler juste déjà à la radio en direct. Je me serais jamais vue parler devant des centaines de personnes sur scène. J'aurais jamais osé défiler, parler. Et en fait, je pense que c'est un challenge avant tout. Et en fait, ça m'a permis de prendre confiance en moi parce qu'avant, j'ai toujours rêvé de Miss, j'ai toujours rêvé d'être modèle photo. Et je me disais, mais en fait, ce rêve, il m'appartient pas parce que je suis pas assez grande, je suis pas assez fine, je suis pas assez tout ce que vous voulez. Et du coup, je me suis longtemps posé la question, mais en fait, à un moment, on m'a contacté, on m'a dit, mais tu sais que toi aussi, tu peux l'être, tu peux avoir ta chance, et je me suis lancée, et en fait, ça a vraiment changé dans ma vie, dans le sens où j'ai vraiment appris à moi m'aimer et à être plus confiante, du coup, dans ma vie personnelle et professionnelle. Du coup, c'est un super exercice au final pour la confiance en soi. Oui, c'est ça, parce que franchement, on se dit, mais on en est incapable. Mais en fait, si, on n'a pas besoin d'avoir de l'expérience dans le domaine. J'avais aucune expérience en arrivant, et en fait, ça nous permet d'aller plus loin et d'apprendre de nouvelles passions. Mais je trouve ça génial en fait de ton jeune âge. Bon, je parle comme une ancienne, mais bon, d'avoir eu cette expérience parce que je me dis ça peut t'apporter plein de choses humainement, même pour ton avenir. Quoi. Enfin, c'est je trouve ça incroyable. C'est le mot du jour. Ouais, c'est incroyable parce que avant même juste parler à quelqu'un en face à face, je bégayais, je savais pas quoi dire, je me sentais pas légitime, je me sentais jamais à ma place. Et en fait, je me suis dit que si, enfin, j'existe, je suis là et j'ai mon mot à dire, j'ai le droit de. En fait, c'est vraiment une prise de conscience à travers les vices. Et franchement, on dirait pas, mais ça a vraiment changé beaucoup. Top. C'est un bon exercice pour avoir confiance en soi, je crois. Oui. Mathis, tu veux pas. Non? Comment? Non, je vais pas. Ça, je tenterai même pas. Elle est listeur, hein? Non, ça va aller. Je laisse ma chance au. Sinon, je gagnerai, ça sera à rien. Vous pouvez l'appeler pour l'encourager à participer au listeur. Non, mais ça va aller. Franchement, je suis boussouflé quand je vois ça, mais alors moi, pas du tout. Alors, bon, pourquoi? Je suis plus dans la musique, donc. Bon. Mais j'encourage les gens qui participent à ça. Alors, nous avons une question de Amélia. Amélia qui te pose une question, qui te demande quels sont les sentiments que tu as ressentis quand tu as parlé justement. Bah, il a rejoint la question d'un peu. Quand tu as parlé, par rapport à ce que tu nous as expliqué, tes 18 ans et tout, c'est quoi l'émotion que tu as réussi à contrôler par rapport à ça? Alors franchement, l'émotion que... Enfin, en fait, au début, j'étais très très stressée, je tenais le micro, mes mains, elles tremblaient. Et en fait, à ce moment-là, j'ai juste dit ce qui me passait par la tête. Et là, j'ai entendu le rire de ma copine et je me suis dit... J'ai vraiment soupiré dans ma tête, j'ai l'impression que c'est passé longtemps, j'ai l'impression qu'il y avait une latence énorme, mais quand je me suis réécoutée, et ben en fait c'était hyper court et j'ai réussi à reprendre. C'est juste, je me suis dit non, là faut pas que je me foire, faut que j'aille au bout de ce que je veux dire, et j'ai tellement de beaux messages à transmettre que je peux pas rigoler devant un public alors que j'ai un message fort à transmettre. Parce que j'ai dit à la fin de mon discours que en fait chaque femme est belle et qu'en fait on mérite d'avoir confiance en nous, on mérite de se trouver belle, et en fait il n'y a pas de critère pour ça. C'est vraiment ce que j'ai dit à la fin, je mens pas du tout. Et en fait j'ai eu cette prise de conscience où en fait là je suis pas là pour rigoler, je suis vraiment là pour passer un message à toutes les femmes qui doutent d'elles, que en fait elles doivent pas parce qu'elles sont toutes belles. Voilà. J'ai l'impression que je suis à Miss France. Tapez 1 pour Philippa. Tapez 2 pour Sandra. Tapez 3 pour Johanna. Tapez 4 pour Mathis. Franchement, ça va aller. Et par rapport à ça, nous avons une petite dédicace pour toi, Philippa, de ta maman et de ton papa qui t'encouragent, qui sont très très fiers de toi. Et donc pour ça, ils ont souhaité mettre une musique, je pense que tu affectionnes, de Slimane, d'Emilie Je t'aime. Oh, merci. Et pour ta dédicace. Chercher, plus besoin, je t'ai trouvé. Ce n'est rien, tout le mal qu'on m'a fait, je t'ai trouvé. Je pensais tout savoir de l'amour, mais ce n'est pas vrai. Si je les aimais fort, toi c'est beaucoup plus fort. Regarde comme on est beau sur le même bateau. Oh non, y'a pas plus beau, l'amour c'est jamais trop. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, dans mes bras des milliers de je t'aime. On se bat contre un monde qui nous dit d'arrêter, mais dans le froid, dans les larmes, je serai ton bouclier. Si c'est trop, si t'as peur que tes mains vont me lâcher, je te tiendrai plus fort, je serai le plus fort. Regarde comme on est beau sur le même bateau. Oh non, y'a pas plus beau, l'amour c'est jamais trop. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Et on continue avec une dédicace de la part de Manuela. Manuela qui, ce soir, se rend à un des événements portugais connus. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs événements portugais. Donc, bien sûr, il y a le bal de Radio Arc-en-Ciel. Donc plutôt le repas, la nuit du fado. Donc vous avez mangé un bon repas. Je sais pas si vous sentez ici, mais quand on va dans le couloir, on sent déjà les bonnes odeurs. Préparation. Donc tout le monde est au fourneau en train de préparer à manger, préparer la salle pour que vous ayez passé une soirée exceptionnelle. j'ai réussi. Emmanuela, du coup, voulait dire comme quoi ce soir elle va voir Louis-Philippe Reich, donc à Gien. Donc on lui souhaite un bon spectacle et pour ça, donc quoi de mieux que écouter Louis-Philippe Reich. Et elle nous fait des bisous à tous au passage. Donc on la remercie, on lui fait des bisous. Queria tanto te dizer o quanto ainda sofro. Levaste a minha alegria quando foste embora. Sei que não te fui fiel, mas peço que tu voltes. Agora eu ando aqui perdido e a minha alma chora. Sei que andam a falar que não deves perdoar, mas eu quero acreditar no teu perdão. Também te andam a dizer que era melhor esquecer, mas agora peço que ouças o teu coração. Tanto te dizer o quanto ainda choro. Levaste todos os meus sonhos e os meus sorrisos. Sei bem que fui eu o culpado por este desfecho. Eu dava 10 anos de vida para ficar contigo. Sei que andam a falar que não deves perdoar, mas eu quero acreditar no teu perdão. Também te andam a dizer que era melhor esquecer, mas agora peço que ouças o teu coração. Que atire a primeira pedra quem não tem. Julgar alguém que não sente este amor. C'est l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel et on se doit de lui fêter son anniversaire comme il se doit. Pour ça, nous organisons une soirée fado, uma noite de fado, le samedi 30 novembre à 20h à l'espace arc-en-ciel au 266 Faubourg Vanier à Fleury-les-Aubrais. Avec les voix du fado, João de Fado, como os fadistas Mathieu Domingues, Lúcia Araújo. Na guitarra portuguesa, Manuel Miranda. Viola de fado, João Filipe. Le début de la fin de la soirée sera animé par le trio Luso Latino. Au menu, apéritif gourmand, bacalhau à rade, fromage, dessert, café. 35 euros l'adhérent, 40 euros le non-adhérent, hors boisson. Réservez vite au 02 38 43 50 09 ou par mail arc-en-ciel.iota@gmail.com. Attention, place limitée. Alors, réservez vite la soirée fado du 30 novembre pour l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. Et on continue. On continue avec une dédicace de la part de mamie et de papy qui font une dédicace pour leur fille, donc Aurélie et Karine, qui ce soir vont assister à une soirée cabaret. Donc je leur souhaite un bon spectacle, car eux gardent leurs deux petites filles, donc Sarah et Alexane. Ils les gardent. Donc ça, ils préfèrent les garder qu'aller dans une sortie. Donc ils sont très contents de garder Sarah. Donc Sarah, pour ceux qui savent, voilà, c'est ma petite filleule. Donc mamie garde bien Sarah. Je fais les gros bisous. Et au passage, une dédicace pour moi en disant qu'elle a plus besoin de me garder. Je suis déjà assez trop grand. Donc c'est comme ça. Et pour ça, on va écouter une musique d'un groupe que mon grand-père adore, Tokyo Dance. Vamos sourire. Continue du coup, on va pouvoir laisser la parole à Johanna pour nous expliquer qu'est-ce qu'est la kinésiologie et nous expliquer et on va lui poser quelques petites questions après. Alors, ça y est, c'est mon tour. alors, la kinésiologie, alors pour ceux qui ne connaissent pas, En kinésiologie, on s'est rendu compte que le corps avait la mémoire de l'inconscient. Et en fait, l'inconscient, ça représente pratiquement 80% de notre cerveau. On ne se rappelle pas de ce qui s'est passé quand on était dans le ventre de notre maman, quand on était petit. On a des brefs souvenirs, peut-être à l'âge de 4-5 ans. Et puis, dans notre vie, on vit des expériences, on vit des situations et on ne mémorise pas tout. Mais notre inconscient a gardé ça en mémoire et nous permet d'agir dans le présent. Et parfois, on peut rencontrer des expériences de vie qui vont faire référence à ces expériences inconscientes et qui peuvent générer des stress, des émotions négatives, des mal-être. Et grâce aux tests musculaires, moi, j'accède à cette mémoire inconsciente. C'est-à-dire que je pourrais tester n'importe quel muscle du corps. Lorsque j'identifie un relâchement musculaire, le corps m'exprime que sur le sujet que je suis en train d'évoquer, il y a un stress. Donc le corps me répond par oui, je stresse ou non, je stresse pas. Et après, c'est à moi de poser mes questions. Donc j'ai mes listings, mes protocoles pour pouvoir creuser et aller chercher l'événement qui a généré le stress que la personne peut rencontrer dans sa vie au quotidien. Donc, si on peut donner un exemple, par exemple, pour le test musculaire, quand on dit à quelqu'un qu'on veut lui annoncer une mauvaise nouvelle, on lui demande de s'asseoir. Et effectivement, pendant les 6 premières secondes, on peut avoir un relâchement musculaire. Et donc, il vaut mieux qu'il soit assis dans ces cas-là. Donc c'est à partir de ce principe-là que j'identifie les informations de l'inconscient. Et puis lorsque j'ai identifié l'origine de la problématique, alors ça peut être en récession d'âge, ça peut être donc à l'âge de 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, en fonction de l'âge sur lequel le corps m'oriente. Ça peut être des choses qui ont été vécues dans le ventre de la maman, ça peut être également des choses qui se transmettent de génération en génération. Et pour les esprits plus spirituels, ça peut être des choses qui se transmettent d'âme en âme. Voilà, donc je demande au corps, encore à ce moment-là, une fois qu'il m'a donné l'âge à laquelle il a besoin de libérer son émotion, son stress, je demande quel est l'outil le plus adapté pour libérer cette chose-là. Et là, j'énumère tous les outils que j'ai à mon cabinet. Donc moi, personnellement, j'utilise des points d'acupressure, j'utilise des pierres, des huiles, j'ai des protocoles avec des mots à répéter, des phrases, des mouvements oculaires, des gestes, enfin j'ai tout un panel et puis je développe encore des nouvelles choses, l'hypnose, la sophrologie, les bols tibétains, enfin voilà, en fonction de chaque expérience que je peux vivre, je développe de nouveaux outils. Donc je propose après mes outils au corps et il me dit lequel est le plus adapté. Pour libérer l'émotion, alors je peux être amenée à faire un équilibrage en une séance, 2 équilibrages, 3 équilibrages. Et le corps me dit, lorsqu'il a tout libéré, pour que la personne puisse reprendre sa vie plus sereinement, plus légère, plus libérée de ses problématiques. Parfois, en une séance, j'arrive à avoir de très bons résultats. Donc en fin de séance, je demande au corps, est-ce qu'il y a besoin d'une autre séance sur ce sujet? Il arrive parfois que j'ai besoin d'une deuxième séance, de manière assez exceptionnelle une troisième séance. Mais voilà, c'est un peu comme un oignon, quand on commence à ouvrir les premières couches après il va y avoir une autre problématique qui va se présenter en fonction d'une autre expérience de vie et qui va résonner avec une autre blessure, et puis voilà, la personne va avoir besoin de revenir mais pour un autre sujet, et puis après voilà, chacun évolue à son rythme, et puis le but c'est de pouvoir faire ce voyage de la vie en toute sérénité. Je suis totalement d'accord. Oui, une petite question, est-ce que tu as le support de la musique pour travailler justement en séance? La sonothérapie, ouais. Oui, ça peut être un outil d'équilibrage. Alors dans un protocole, je dois proposer une playlist en fait, et c'est assez étonnant quand parfois donc je tombe sur ce protocole-là, et donc moi j'ai une playlist d'enregistrer. Et je vais énumérer les chiffres. Donc, je demande au corps, est-ce que je fais avec la musique 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, ça va lâcher, en fait, au numéro de la musique qu'il a besoin. Et souvent, les paroles de la musique sont assez en rapport avec ce qu'on a évoqué pendant la séance. C'est pareil pour les pierres. Quand je tombe sur une pierre, la symbolique de la pierre, j'ai même parfois des messages à transmettre parce que la personne qui m'a enseigné, d'ailleurs je lui fais un petit coucou Maryse, hein, qui m'a enseigné la lithokinésiologie, elle reçoit des messages des pierres, elle écrit en écriture intuitive et elle a eu les messages de chacune des pierres, donc les 22 pierres principales que j'utilise pour les équilibrages, et donc elle nous a écrit un livre que pour nous, ces petites élèves, où on peut du coup lire à nos clients le message de la pierre pendant l'équilibrage. Et à chaque fois, je dis à mes clients, c'est exactement ce que je vous explique depuis tout à l'heure. J'aurais pas pu le dire mieux, en fait. C'est assez bluffant, ouais. Moi, j'ai une petite question par rapport à ça. Du coup, est-ce que tu penses que pour être kinésiologue, il faut avoir je parle entre guillemets, un don pour l'être, enfin, parce que pour comprendre le corps, enfin, ce qui se passe à l'intérieur de la personne, et puis même ça se passe, comme tu dis, en 6 secondes, en 3 secondes, est-ce que tu as besoin d'un don particulier, on va dire ? Non, alors effectivement, il faut au début, quand on commence la formation, on a beaucoup de mal à savoir que le test musculaire, la faiblesse, non, là je sens pas, je sens rien du tout. Au début, on n'a pas confiance en nous, on se dit j'y arriverai jamais. Et puis en fait, on va dire que notre ennemi, c'est le doute. Quand il y a un doute, du coup, on ne sait plus si c'est un oui, si c'est un non, si il y a relâchement musculaire ou pas. Et je pense que c'est à force, avec l'expérience, qu'on finit par se faire confiance et tout le monde est capable de ressentir la faiblesse musculaire avec l'expérience. Ouais. D'accord, donc tout le monde peut être d'accord. En fait, on a tous le mental qui vient interférer nos perceptions, mais quand on arrive à lâcher le mental, on est tous capables de ressentir les choses. Ouais. Ok. C'est quel type de formation ? C'est une formation reconnue ou est-ce que c'est plus une formation Alors, en fait, la formation de kinésiologie, elle est composée de plusieurs modules. On doit faire 600 heures de formation à peu près. Ouais, là. Et, une heure de formation pour la radio, c'est... Il y a 200, un peu plus de 250 heures, ce sont des modules qu'on a obligatoires. Par exemple, on doit tous faire la base de la kinésiologie, c'est le santé par le toucher. On doit tous faire les modules de santé par le toucher. Voilà, on a trois modules comme ça obligatoires, tout ce qui est savoir-être, etc. Et puis après, on se spécialise pour compléter nos 600 heures avec chacune ce qui nous intéresse. Moi, par exemple, j'ai fait les réflexes archaïques, j'ai fait la kinésiologie pré-postnatale. Et puis après, bon, moi, j'ai continué sur, comme je vous disais, une kinésiologie un peu plus spirituelle. J'ai fait aussi la kinésiologie animalière. Donc voilà, chacun se spécialise en fonction. Et c'est là où chacun va avoir des outils différents, un panel d'outils en fonction des spécialités qu'il a choisies. Mais on a notre socle commun. Voilà, après, on obtient une certification qui nous permet de s'inscrire au syndicat des kinésiologues, de bénéficier de certains tarifs pour les assurances, les médiateurs, etc. Mais effectivement, c'est pas un diplôme reconnu par l'État. Donc, tout le monde peut s'installer en tant que praticien en kinésiologie. Mais pour avoir le titre de kinésiologue, il faut la certification, ouais. Okay. Donc faites attention quand vous allez me consulter. Alors il y a des praticiens qui sont très compétents, hein, mais voilà, les conseils que je peux donner aux personnes qui souhaitent aller consulter, c'est de vérifier déjà si la personne est certifiée et si elle est inscrite dans un syndicat. Ça peut être déjà un gage de confiance, parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui se développe, parfois on a du mal à faire le tri. Donc voilà. Alors, j'avais une petite question qu'on avait parlé tout à l'heure. Si, par exemple, quelqu'un n'y croit pas et il vient vous voir. Oui, alors ça, ça peut interférer. Alors, ça dépend. Il peut y avoir des personnes, si elles n'y croient pas, mais qu'elles sont ouvertes d'esprit, ça fonctionnera parce que, comme je vous l'expliquais, c'est l'inconscient. Si l'inconscient est bloqué et que la personne, elle vient en disant « je n'y crois pas, je viens parce qu'on m'a forcé, mais de toute façon, j'y crois pas », bah, l'inconscient va pas intégrer l'information que je vais vouloir lui transmettre. Et puis moi je demande les autorisations pour travailler avec la personne et là ça va bloquer de toute façon. Donc, la personne peut venir si elle n'y croit pas, mais il faut quand même qu'elle soit ouverte d'esprit pour pouvoir recevoir les bénéfices de la séance, sinon elle va perdre son temps et son argent. Voilà. Oui, c'est pas faux. Tu as une question Non, tu as posé celle que je voulais poser. Ah, moi, j'ai une autre petite question. En fait, je voulais savoir, c'est pour quel type, je sais que c'est pas vraiment entre guillemets, quel type de personnes qui viennent de voir, je pense que c'est plutôt des personnes qui sont blessées du passé, mais qui ont peut-être un refoulement ou quelque chose comme ça, qui ont une douleur en eux, mais qui ne savent peut-être pas, ce serait quel type de personnes? Alors, il y a des personnes qui viennent, ils ont vraiment un problème, par exemple, ils viennent de se séparer, ils ont du mal à vivre la séparation, il va y avoir des personnes qui, par exemple, ils vont vivre un deuil, c'est compliqué pour eux, du coup ils ont du mal à dormir le soir, ils vivent un stress quotidien, il va y avoir des enfants aussi pour des problèmes d'apprentissage, des problèmes de comportement, des adolescents qui ont du mal à vivre la période de l'adolescence, donc qui ont vraiment une problématique, ils arrivent concrètement en disant là j'aimerais bien me sentir apaisée, j'aimerais bien ne plus penser à ça, j'aimerais ou alors ça peut même être physique, hein. J'ai une personne qui est venue pour de l'eczéma il n'y a pas longtemps. Et moi, après, là, je vais chercher derrière cette problématique consciente quelle est la problématique inconsciente. Et je vais revenir dans le passé, dans sa vie, voir quelle est l'origine. Mais parfois, on peut avoir, par exemple, une problématique consciente et la problématique inconsciente qui n'a rien à voir. Ça peut être là la personne qui a des difficultés à vivre la séparation avec son petit ami, mais la problématique inconsciente, elle est en lien avec, un manque de confiance en soi. En fait, ça va du coup parfois être... Mais le fait de lui redonner confiance en elle à l'origine de sa blessure, ça va être peut-être à l'adolescence, et ben ça va lui permettre de mieux vivre sa séparation dans le présent. Parce qu'en fait, tu vas travailler l'enfant intérieur. Oui, entre autres, les blessures de l'enfant intérieur. Mais ça peut être aussi, parfois, j'ai besoin de... c'est pas forcément que de l'enfant, parce que parfois, j'équilibre des âges, on va dire, pas forcément âge-enfant. Donc, ça peut être plusieurs choses. Mais après, j'ai également des personnes qui viennent en préventif, qui n'ont pas de problématique, et qui disent, demander à mon corps... sur quoi il a besoin de travailler. Et puis, c'est pareil, on va demander. Moi, j'ai mes listings, de toute façon, donc je demande sur quel objectif le corps a besoin de travailler. Et en général, on dit, oui, effectivement, c'est vrai que ça... j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que... D'accord. Mais donc, oui, on est d'accord. La kinésiologie, je pense qu'elle permet d'aider tout le monde dans leur bien-être intérieur. Oui, c'est pour moi, ça peut être comme en préventif, comme en curatif. Donc, quand il s'agit du bien-être, en général, le corps, il est OK. Moi, pour l'avoir vécu, c'est un bien-être qui est vraiment profond, mais ça se ressent en fait sur ta vie en général, quoi. Je trouve ça incroyable. Mais parce qu'en fait, les blessures qu'on va avoir, là, l'expérience de vie qu'on va vivre, souvent, ça va être des expériences qui vont se répéter au fur et à mesure de la vie, qui nous confrontent à notre blessure pour qu'on la dépasse. Et là, la personne va se retrouver confrontée à une expérience désagréable pour elle, qu'elle va avoir du mal à surpasser, donc elle va venir me voir, mais finalement elle va se rendre compte que c'était pas que dans ce domaine là et que de libérer cette blessure, ça lui permet d'être plus sereine dans d'autres situations de vie également. Ouais. Alors on va faire une petite pause en écoutant un peu de musique, et après on reviendra avec moi et tout le monde pour donner nous notre avis de ce qu'on a vécu et peut-être donner des petits conseils pour les gens après. Donc on continue la musique avec une musique portugaise dont on va faire découvrir à Joana. Si tu connais pas beaucoup de musique portugaise, non. Très ancienne, de José Mayo. Est-ce que ça dit quelque chose à toi, Joana? Non, non, mais je découvre. C'est... Et à toi, Philippa? Si, ça va, ça me parle. Mais Philippa, elle a l'air de bien connaître les musiques portugaises. Elle connaît bien, on l'entend. Franchement, si on enregistrait, si on mettait le son de son micro, que j'entends moi tout le temps, on ferait un concert. Vaudrait mieux pas, hein, parce que... Faut que tu fasses la musique. Aonde estás perdida, ninguém sabe. Desde os teus cabelos cobriam teu corpo, tão cheia de amor. Te vi dançando, outro te abraçava, outro te beijava, mas era para mim, para quem olhava. Onde estão teus olhos tão profundos e o calor? Quero o meu e o vinho que bebo abre a minha ferida. Me embriago, mas te quero toda a vida. Ai, ai, a bunda, onde estás, chegando a minha? Que deixas minha canção desesperada e te chamo e te procuro por toda a parte. Mas a bunda. Dançando, outro te abraçava, outro te beijava, mas era para mim, para quem olhava. Cara de cigana, doce apaixonada, que me deste amor como uma espada. Vou pelos caminhos, pagas teu destino, vives o amor, roubas carinho. Cabelos cobriam teu corpo, tão cheia de amor. Te vi dançando, outro te abraçava, outro te beijava, mas era para mim, para quem olhava. Cara de cigana, doce apaixonada, que me deste amor como uma espada. Pra me agradar. E esta noite vai ser moqueca para

faz-me renascer. És a mulher que eu sonho um dia ter sempre junto a mim. Faço tudo para te conquistar. Contigo eu quero ficar. És o fruto proibido, mais apetecido que eu quero provar. És minha paixão ardente, o coração no mente, só te quero amar. Apetecido que eu quero ter. Vem apagar o meu fogo, que eu ando louco para me envolver. És o fruto proibido, mas apetecido que eu quero provar. És minha paixão ardente, o coração no mente, só te quero amar. És o fruto proibido, mas apetecido que eu quero. Passar por mim, não sei o que dizer. Mas como eu queria que fosses minha e te beijar. O corpo de sereia me alucina, faz-me perder. És a mulher perfeita que eu quero amar sempre mais e mais. Faço tudo para te conquistar. Paixão ardente, coração no mente, só te quero amar. És o fruto proibido, mas apetecido que eu quero. Donc on revient pour parler encore un petit peu et après on vous laissera une playlist dansante pour ceux qui sont en préparatif de plein de choses. Là en bas ça bouge, il y a plein de choses qui courent partout. Nico est en train de faire les lumières, petit message à lui. Qui était son anniversaire aussi il y a pas longtemps, donc bisous Nico et joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Voilà, on les a tous fait. Donc voilà. Alors, moi, pour donner mon avis, je l'ai dit au début d'émission, j'ai pratiqué du coup avec Johanna la kinésiologie et je trouve ça fascinant à voir et à comprendre. La petite anecdote que j'ai, c'est déjà le ressenti que j'avais, c'était que au début j'étais stressé en arrivant. Je sais pas si on vous ressent quand on arrive. Alors moi, je ressens toutes les émotions des gens. Donc du coup, quand les clients arrivent, je ressens leur stress. Et en général, quand ils repartent, du coup, je me sens mieux. Donc oui. Et du coup, l'anecdote, c'est qu'à chaque fois qu'on essayait de voir du coup le problème, je savais que c'était quoi le problème. Parce qu'on l'a, du coup, elle parle, du coup, on la voit, on va chercher. Et je pensais à un truc qui était le problème qui, à fin de compte, a disait deux secondes après. Et ça, c'est pour moi, ça m'a fasciné. Je me disais, elle est dans les pensées. Dans la conscience, du coup. Mais en tout cas, ça, c'est mon expérience. J'ai une très bonne expérience. Et moi, je conseille la kinésiologie, en tout cas. Donc, moi aussi, j'ai pratiqué, c'était pas avec Johanna, malheureusement, mais c'était dans une autre région. Et c'est vrai que j'étais dans une période... assez très très compliqué pour moi, en fait, où j'étais au plus bas. J'en discute avec Johanna à l'instant. C'est que, en fait, quand t'es vraiment au plus bas de toute ta vie, la kinésiologie m'a appelé, en fait, de me dire, voilà, c'est ta bouée de secours. Enfin, faut y aller parce que ça peut te sauver. Et au final, moi, j'ai fait plusieurs séances sur plusieurs mois. Et c'est vrai que ça a changé ma vie, ça a changé ma façon de voir les choses, ça a changé ma personnalité. Ça a changé plein de choses et c'est clair que je conseille à tous les auditeurs, en fait, qui ont un mal-être même moindre de consulter, c'est clair. Enfin... Et ce qu'on parlait justement pour les enfants, effectivement, les enfants en général qui viennent me voir, ils ont du mal à mettre des mots, ils répondent souvent par « je sais pas » parce qu'ils n'ont pas la capacité à repenser à comment ils se sont sentis à ce moment-là. Et c'est pas grave en fait, parce que moi j'ai mes listings et c'est le corps qui va parler. Je vais tomber sur la phrase « je me sens mal quand je suis tout seul » ou « j'ai du mal à vivre sans maman ». exactement. Je vais tomber sur les phrases. Donc, en fait, même. Et l'enfant, finalement, va me dire ah, bah oui, c'est ça, mais j'arrivais pas à lui dire, j'arrivais pas à mettre des mots dessus, mais oui, c'est ça. Donc, c'est assez. En fait, je traduis les messages du corps. Et après, ce qu'on disait, effectivement, c'est un peu comme un ordinateur où je fais un reset, là où les blessures se sont enracinées. Moi, j'avoue, je découvre la kinésiologie. Je ne connaissais pas avant d'arriver, du coup, à la radio. Et du coup, d'en avoir parlé, moi, je suis étudiante en soins infirmiers et je connaissais pas du tout cette méthode-là pour le bien-être, donc physique et du coup l'inconscient. Et je pense que l'inconscient joue beaucoup dans notre corps et dans notre mental. Et donc, en fait, c'est bon et c'est enrichissant à savoir parce que du coup, on peut nous-mêmes, en tant que professionnels de santé, on a le droit de se permettre de dire bon bah si on connaît beaucoup de professionnels qui pourraient vous aider parce que maintenant ça va commencer à se développer, l'hypnose ça se développe et c'est pas médicamenteux donc en vrai c'est enrichissant dans une formation de pouvoir du coup conseiller aux patients qui souffrent intérieurement d'amener vers quelqu'un d'autre comme la kinésiologie. Tout à fait. Oui, et moi aussi après j'oriente hein, quand je sens que moi j'ai fait tout mon travail et que j'ai besoin de réorienter vers un autre professionnel, je demande encore au corps vers quel professionnel a besoin d'aller consulter. Donc voilà, j'ai mon cabinet à Ingré si vous voulez venir me voir ou juste me téléphoner pour prendre des informations, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur la kinésiologie. Aussi. Et moi ce que je propose c'est que du coup vu qu'on arrive au terme de l'émission bientôt, c'est de envoyer grâce à ma page des réseaux sociaux, donc avec-vous-radio, les questions que vous avez à avoir sur la kinésiologie, mais aussi sur les miss qui pourraient être intéressants. Donc je ferai une petite story où les gens auront des pauses pour poser des questions, donc n'hésitez pas à participer, donc c'est avec-vous-radio, donc n'hésitez pas. On continue en musique. En tout cas, je remercie Johanna pour nous avoir expliqué ce que c'était la kinésiologie. Merci à vous surtout de m'avoir invité. Et puis merci à Mathis, du coup. Il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous remercie. Et remercie Philippa, qui, on verra si elle prend une décision à la fin d'émission. Une décision qu'on en avait parlé, si par hasard elle souhaitait être co-animatrice un jour. Je t'ai pas oublié, on l'avait noté, je l'avais noté. Et ce serait avec grand plaisir d'être co-animatrice avec toi, Mathis. Et c'est avec plaisir partagé. Donc, on la retrouvera. Moi, c'est une 15 jours, 15 jours, du coup, avec Christine, on se partage. Donc voilà. Donc peut-être à 15 jours. À 15 jours, alors. On continue en musique avec Némanouche. Estou aqui, vem pra mim, gosto dela, é donzela. Vou fazer aham com ela, ai uê, lê lê lê. Estou aqui, gosto dela, é donzela. Vou fazer aham com ela. Festa sai a arrebentar, ela zinga no salão. Muito longe de pensar, que ela me tinha na mão. Meu amigo segredou. Olha a saia curta dela, um olhar ela mandou, eu fiquei vidrado nela. Vai ter história pra contar, o que vai acontecer? Não sei como a conquistar, se é convido pra dançar, se é convido pra beber. Vai ter história pra contar, pois vai. Estou no clima de paixão.

Et c'est la fin de notre émission. Je vous remercie les filles pour cette belle émission. Qui est, j'étais en bonne compagnie, on va dire. C'était la journée de la femme aujourd'hui, en quelque sorte. Mais voilà. Bah, écoutez, je vous remercie. Je remercie Johanna pour nous avoir expliqué à tout le monde ce que c'était la kinésiologie. Et pour avoir répondu à nos questions. Du coup, comme je l'ai dit, on mettra du coup sur nos réseaux sociaux des questions que les gens pourraient répondre. Et on réinvitera Johanna pour répondre à toutes les questions qui ont été posées. Avec grand plaisir. On remercie Philippa de nous avoir être venu pour nous avoir raconté son parcours dans Miss Muriel du Beauty Centre-Val de Loire. Non mais je connais par cœur à force. Hein. Et pour peut-être du coup, comme tu nous l'as dit, venir régulièrement maintenant avec nous. Oui, c'est ça. J'ai déjà eu un appel par rapport à ça, donc de ma mamie qui dit qu'elle est très très contente que tu sois là et qu'elle te souhaite la bienvenue. Oh bah merci beaucoup, en tout cas je suis très heureuse d'avoir été là aujourd'hui. Merci à toi Mathis, merci à tout le monde d'avoir écouté. Et bon, bah on va se revoir très prochainement voilà. En tant que co-animatrice. Une nouvelle piste dans Radio Arc-en-Ciel à voir du coup avec le reste. Mais écoutez, je vous remercie Sandra aussi bien sûr, je la vois du coin de l'œil. Bon après c'est inhabitué, ça fait quoi, 10 bon, non, je crois 4-5 fois que je viens. C'est 4-5 oui, fois qu'elle vient et 4-5 fois que... qu'elle défonce la baraque. Non, mais je te remercie d'avoir été là. Merci à toi. Donc, remercie à tout le monde. Et on se dit à très bientôt. De moi-même, du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Donc, pour ceux qui viennent ce soir la nuit du Fado, donc pour organiser par Radio Arc-en-Ciel, vous allez pouvoir découvrir plusieurs artistes dans le domaine du Fado, Mathieu Dominguez, Lucia Rojo, ainsi que les guitaristes Manuel Miranda et Jean-Ou Philippe. Excusez-moi, je n'arrivais pas trop à lire. Ainsi qu'une soirée animée par le trio Luzo Latino. Donc, une soirée avec un bon plat. On sent la bonne odeur. Elle arrive en bas. Oui, oui. Tu n'es pas à laisser de gratter à manger. Oui, je pense que je vais. Donc, on vous souhaite une excellente soirée. Une excellente soirée du 30 novembre. Donc pour ce soir, pour ceux qui nous écoutent et qui y vont ce soir, c'est à 20h. Donc on vous attend. À très bientôt. À très bientôt. Je vous remercie. Bye bye. Bientôt. Ciao, ciao. Ciao. En fait, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Marionneau, 1 rue de l'Orme Gâteau, à ses mois. Téléphone 02 38 22 12 22. We'll be right back.

0809 ou par mail arc-en-ciel.iota@gmail.com. Attention, place limite. Alors, réservez vite la soirée fado du 30 novembre pour l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel.